cher, ça fait les billets. Et ça s'assassine, sin, sin. Faut filer, dans le coin ça tire, tire, tire, ça fait les billets. Et ça s'assassine, sin, sin. Ouais, j'sais pas à commencer, j'sais pas par où commencer. J'ai envie de tout casser, un peu bleu j'vais danser. Ouais, j'sais pas à commencer, j'sais pas par où commencer. J'ai envie de tout casser, un peu bleu j'vais danser. Besoin de m'isoler, j'aime pas m'y donner. J'veux que rigoler, j'passe ma vie à process. Bien va avec la cosa, devant y'a le bol et polonais. En dépit sur la costa, devant la mer crevette mayonnaise. J'ai kiffé, j'suis bien, je kiffe ma life, j'en plus le. J'ai tourné toute la night. J'ai kiffé, j'suis bien, je kiffe ma life, j'en plus le. Viens de la ville, j'rentre en claquette à côté. Ça croyait pas moi maintenant, ça m'écoute dans le monde entier. Va donner la femme, c'est un nouvel album qui est sorti. Tellement la tête pleine, y'a plein de plats qui me sont sortis. J'vais me tailler, j'vais m'en aller dans la Ferrari. Tout ça rafale, j'reste à Marseille. Si j'touche la Miami. Les potos, les volasses, faut pas t'attacher. Même voir si t'as des couilles, moi j'vais.